Aspiciens allonge. Vous comprenez? C'est le peuple juif qui attend le Messie comme nous, le roi, notre sire. Aspiciens Dieu qui a fait cela. C'est Dieu? C'est Dieu avec Jeanne. Les voix ne m'avaient pas trompée. Catherine et Marguerite, elles ne m'ont pas trompée. Son cheval par la bride. C'est moi qui l'ai amené à travers toute la France. C'est moi qui l'ai amené à Reims. C'est moi qui ai sauvé la France. C'est moi qui ai réuni la France. Toutes les mains de la France en une seule main, une telle main qu'elle ne sera plus divisée. Est-ce pour un roi de chair que tu as donné ton sang virginal ?